Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Bonsoir, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif, Terra Incognita. Ce soir, c'est Bruno et Michel avec vous jusqu'à minuit. Plein de bonnes petites choses à écouter, des nouveautés, des choses moins récentes, mais toujours, c'est excellent, la bonne musique. Donc, 2 heures de bon rock progressif. Et on va commencer ce soir, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dernièrement. Un groupe norvégien qui s'appelle Neograss. Si vous trouvez que le nom sonne un peu comme Hillbillies ou Bluegrass, vous avez pas tort. Mais c'est pas, non. Attends, c'est pas ça non plus. Mais c'est un groupe assez original qui a eu l'idée d'ajouter du banjo au rock progressif. Parce que moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Et la fusion est quand même intéressante. Et en fait, faut prêter l'oreille sur certaines pièces, mais d'autres pièces, ben, on le voit carrément que c'est du banjo. Donc, on écoute un premier extrait de ce groupe, le Neograss. Le titre du disque, c'est Atlantis. On va voir bien d'autres choses aussi, évidemment, ce soir. C'est que, installez-vous, surtout qu'il ne fait pas très beau ce soir. Ça va être encore plus agréable d'écouter Terra Incognita. On commence donc avec Neograss. We'll be right back. silver old, where is testing our immortal soul? Out of reach it lies deep below and hidden from our eyes. Thank you.

Ah, c'est vrai qu'on est samedi soir, il y a des feux d'artifice d'habitude, hein? Oui, bon, ben. Vous les avez entendus en direct sur les ondes de CKRL. Ça nous venait de France, de Daedalus Spirit Orchestra. C'est tout nouveau, tout chaud. Le disque portait Tabula Rasa. Et c'est dans les mêmes eaux tout le long. Là. C'est vraiment excellent. Donc, un deuxième essai qui m'est venu me chercher plus que le premier, qui était quand même pas vilain, mais celui-là, chapeau. Donc, Tabula Rasa de Daedalus Spirit Orchestra. Et on avait débuté avec mes bizarres norvégiens là, de Neograss, le titre Atlantis. C'est surprenant. Vous avez entendu peut-être un peu de banjo, mais il y a des pièces que c'est vraiment plus présent. L'instrument est plus présent encore que ce qu'on a entendu. Ne paniquez pas. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Mon Dieu, ça doit être épouvantable. » Et non, ça fonctionne très bien. Et c'est même excellent. Donc, on va peut-être en réécouter ce soir. Mais c'est sûr que dans les semaines à venir, on va en avoir encore. Donc, Neograss Atlantis. On va poursuivre. On vous parlait d'un groupe français là, il y a quelques instants. Un autre groupe français qui nous arrive avec un... Je pense que c'est leur premier essai. Le groupe s'appelle Anasazi. Et le titre, c'est Playing Ordinary People. Pas très facile à cerner, première écoute. Là, c'est sûr que je vous dirais qu'il y a un bon penchant pour le métal, mais pas tout le long. D'ailleurs, ce qu'on va écouter après les pauses. C'est une des pièces qui n'est pas tout à fait métallique, entre guillemets. Et puis, on a bien d'autres choses, évidemment, à vous proposer tout au long de la soirée. Restez des nôtres. Donc, on va aller faire un petit tour du côté des pauses. Je vais consulter mon copilote Bruno qui me dit « Oui, on est prêt. » Donc, c'est sûr, on a comme deux bonnes heures à partager. C'est sûr que c'est une soirée idéale pour ça parce que la pluie fait que tous les gens restent bien chaudement chez eux, bien installés. Donc, et vous êtes à la bonne place pour avoir du bon rock progressif jusqu'à minuit. On continue après les pauses avec un groupe français qui s'appelle Anasazi. Initié à la radio, CKRL est à la recherche d'animateurs ou d'animatrices pour une émission musicale les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. Écrivez à la direction de la programmation à programmation@ckrl.qc.ca ou téléphonez au 418-640-2575, poste 210. Impliquez-vous! Une expérience que vous regretterez pas. 89 ans. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Attention, auditeurs de CKRL, jusqu'au 17 août ou jusqu'à épuisement des réserves, CKRL vous offre son T-shirt avec la série de 5 logos de différentes couleurs à seulement 10$. Un vrai coup de chaleur! Pour l'acheter ou l'offrir en cadeau, venez à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h et portez fièrement les couleurs de votre radio favorite! J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL, c'est la meilleure au monde. Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL, coule bien en bouche. Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons. Ça pourrait porter à confusion. Par contre, je peux vous dire que la bière, la CKRL, qui est quand même la meilleure bière brassée par la Barberie, est disponible chez l'accommodation GD, 500 3e Avenue à Limoilou, et au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ou bien, vous pouvez aussi la savourer au Bal du Lézard ou au Bar Le Sacrilège. De toute façon, la CKRL, c'est la meilleure bière au monde, selon moi. soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Standing in the sand, waiting for a sign. When it drowns in the river and the shadows arrive, helpless on the shore, whatever it takes, remember all that matters and the smile on her face. Dreams never burn, only love gathers all along the night. Broken hearts, we move on. When the world is over, shine a light, light up our eyes into the night. Even blind we can see, will you stay forever? Thank you. Feeling the rain.

CKRL 89.1, Québec. Attention, call people. Je suis assez mauvais perdant dans la vie. Même que quand je joue avec mes enfants, j'aime pas ça les laisser gagner. Mais quand mon fils ferme le robinet pendant que je me brosse les dents, ou qu'il m'interdit d'arroser le gazon en plein soleil, je m'avoue vaincu. Ici Stéphane Bellavance. Cet été, faites comme ma famille et moi et participez au programme d'économie d'eau potable de Réseau Environnement en collaboration avec votre municipalité. Rejoignez notre page Facebook à Économisons notre eau. Quand on y pense, économiser l'eau, c'est simple comme un jeu d'enfant. Pour protéger ceux qui nous protègent, une nouvelle loi est maintenant en vigueur. Lorsqu'un véhicule d'urgence avec gyrophare ou feu clignotant actionné est immobilisé, ralentissez. Puis, si c'est sécuritaire, éloignez-vous du véhicule de façon à créer un corridor de sécurité. Pour en savoir plus, visitez le site corridordesécurité.gouv.qc.ca. Protégez ceux qui nous protègent. Un message du gouvernement du Québec. Écoutez tous les dimanches à 21h la Croche-Oreille en rediffusion, une émission en art audio et électronique animée par Jean-Pierre Gué, Myriam Lambert et Ariane Plante, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille en rediffusion le dimanche 21h, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Ce soir, au 89.1, à 22h, c'est l'émission consacrée au néo-progressif avec Michel Bilodeau, Marc Chaunet, Bruno Côté et Jean-François Lamarre dans Terra Incognita. Et dès minuit, c'est l'Autoroute, l'émission rock, prog et psychédélique des années 60 et 70 animée par Stéphane Villeneuve. Bonne soirée sur CKRL. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Et nous voilà de retour. On va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait ce qui a conclu le bloc. C'était The Wolf, une de mes formations hollandaises préférées, avec Sky Architect. Relativement récent, peut-être 1-2 mois. Et le disque s'appelle tout simplement 4. Et ça a été une de mes belles surprises cette année, donc The Wolf 4, un Mind Slip. C'est une pièce qui dure, on l'a pas diffusé au complet là, parce que c'est assez long, mais peut-être une fois. On l'a quasiment fait la dernière fois, mais on va peut-être la faire la prochaine fois. Beaucoup d'inspiration, là, que je dirais, de prog scandinave pour la fin de ce disque-là. Là, le début est plus hard rock des années 70, que moi j'adore aussi, mais à partir de la pièce 7, là, c'est un irrésistible jusqu'à la fin. Donc, The Wolf 4, et on avait tout juste avant Third Degree de Land, ou de Long Division. C'est leur plus récent, ça aussi, ça date peut-être d'il y a un mois. Groupe américain, c'est leur second, ça, et une grosse amélioration. En fait, moi, j'ai trouvé que c'était comme 2-3 coches au-dessus du premier. Vous allez me dire, c'est normal, c'est la maturité qui s'installe tranquillement, mais ça fait toujours plaisir de le souligner. Donc, The Long Division, Third Degree, et on avait donné le coup d'envoi avec Anasazi, Playing Ordinary People. Ça nous vient de France, et c'est, à mon avis, je pense que c'est leur premier essai. Donc, Anasazi. Je vous parlais tantôt de mon groupe hollandais préféré. Il y en a un que j'haïs pas aussi qui s'appelle Silhouette. Ça aussi, c'est une relative nouveauté. Donc, Across the Rubicon, la pièce Anybody. Et ça, c'est sûr que c'est plus dans des eaux un peu. Les gens peuvent employer le terme néo, mais ceci dit, sans être péjoratif, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent le terme comme plus teinté péjoratif qu'autre chose. Donc, mais c'est pas le cas ici. Donc, Silhouette, ça nous vient de Hollande. Et je vous rappelle que vous êtes évidemment à l'écoute de Terra Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit, donc encore une bonne heure de rock progressif au menu.

écoutez CKRL 89.1 à Québec. Cet été, au Théâtre Petit Champlain, le Théâtre Voie d'accès présente en première mondiale la pièce Les Visiteurs. D'après le film à succès écrit par Christian Clavier et Jean-Marie Poiré, dans une adaptation d'Isabelle Huppert, retrouvez les personnages loufoques du comte et de son fidèle écuyer, catapultés dans le temps pour un voyage complètement burlesque. Dans une mise en scène signée Jean-Sébastien Ouellette, Les Visiteurs est présenté du 17 juillet au 25 août au Théâtre Petit Champlain, billets en vente sur le réseau Billettech. La Barberie. Parce que nous sommes la Barberie. Pire ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. Parce que nous sommes la Barberie. India Pale Ale. Stout impérial. Cuivré ou thé. Brasse camarade. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Cent ans, ça se fête en grand, et c'est ce que la ville de Dosquet vous propose afin de célébrer l'événement. Ville située en plein cœur du comté de Lotbinière, Dosquet pavoise du 24 août au 2 septembre. Au programme, une foule d'activités pour toute la famille, avec animation, jeux gonflables et la compétition de coupe de bois avec le champion de la LWC, Jean-Pierre Mercier, le 1er septembre. Sans oublier deux événements musicaux, l'un mettant en vedette le groupe Karma Chameleons, le 24 août, et le second, officié par l'incontournable Yves Lambert et le Bébert Orchestra, le 1er septembre. Le centenaire de Dosquet, des célébrations sous le signe de la souvenance, avec le regard vers l'avenir. Parce que 100 ans, ça se fête en grand. Rendez-vous sur la page Facebook Comité Dosquet pour tous les détails. 89 ans. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Nous voilà de retour, de retour, de retour. oui, donc, ce qu'on a écouté il y a quelques instants, c'était une formation américaine, Sirius B. Troisième essai, et à mon avis, leur meilleur, quoique le deuxième n'était pas piqué des verres. Whimsical Waiter. Ça sent évidemment le Genesis à plein nez et le Steve Hackett, mais personne ne va s'en plaindre. Tout juste avant, il y avait Koi. Je pense que je le prononce bien. Là. C'est une formation suédoise, malheureusement, qui a fait un seul disque qui est passé comme dans le beurre. In Tomorrow I'd Yesterday. L'inspiration british, même british, je dirais, le Britpop, pop un peu, mais en plus développé et en plus expérimental. Enfin, malheureusement, ça a passé là, comme inaperçu. Donc, pas de nouvelles depuis 2 ans. J'imagine que bon, le groupe s'est dissous. Et on avait commencé avec Silhouette, groupe hollandais, Across the Rubicon. Dernière demi-heure. Et on sait que le temps file. C'est incroyable. À chaque fois, je me dis toujours dernière demi-heure. Et oui, c'est la dernière demi-heure et on va aller faire un petit tour du côté des États-Unis avec une formation qui a pour nom Six Elements. On retrouve parmi les musiciens Stanley Whitaker qui était dans Happy the Man et c'est lui qui chante surtout le disque. Et puis il y a d'autres choses évidemment qui vont suivre parce qu'on a encore une belle demi-heure à remplir. C'est qu'on y va sans plus tarder avec Six Elements de leur disque Primary Elements. Our childhood was ruled by the books on our shelves, with the knights of the past sacrificing themselves for the pride and the honor. So the battles of old were making us stronger, were making us bold. You remember, my friend, you remember. Doctors patched our scratches, mothers patched our coats, but we kept on our matches and fights till it hurt. We were knights in white armor. We were races of skies, books like nothing thereafter could get us to fly. So we climbed up the hill, often getting cold, and we never admitted any terror untold. And the foes were defeated, and the pledges were set, and we lived on the pages of the novels we read. You remember, my friend, how we used to defend the ideals of ours the childhood has lent. How we used to be sure there is black and there's white, that there is a simple cure for every possible plight. You remember, my friend, you remember. You remember denying compromises of soul. You remember first line. It was seemingly small, but it led to forgetting. Pledges were taken back. So you slowly but surely started losing the track. All the games that we played, and the heroes we prayed, all the poor defended, and the beauties we saved, all new planets discovered, and our deals disdained, all the majesty cherished, thrown out all the same. Romantical part. We trashed our feelings to serve common sense. We moved to big cities and the race would commence. But we vaguely remember and always would miss that bug with Bob Finder and the joys of first kiss. Where's that girl from next door whom you kissed in that car? Did she marry for money, sacrificing her heart? Do you think she remembers, or you think she forgot how to love with no reason, with no doubt or back thought? Oh, my friend, do you think she remembers? Do you think she remembers simple pleasures of life? Do you think she is dead inside? Oh, you think she's alive? Anyway, doesn't matter. Days of past won't return. Friends of childhood are scattered. Dreams of young days are gone. But friend, you can make a try resurrecting the flame, though it won't be as high and it won't be the same. You will feel so much better, you will feel young again. So don't let your heart settle, turn the wheels like the flame. Silver moon, long shadows on an empty field. The tick-tock of a clock, no sleep, but nothing's real. Black cars at stoplights seem to wait forever. The land of promises, better late than never. Squeaky floors, oh how we fear what's on the other side of musty wooden doors. We curse the clock, the fading ghosts of twilight, my sad companions of the night. And the things that makes you smile, if only for a day, they're getting hard to find somehow. Things that makes you smile. about it. Have you looked inside? There's something wrong. Your mind is cold. The world has suddenly grown old. The ground that once was home is gone.